est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. Enfin, dans la dernière exposition de préfiguration du nouveau musée de l'homme, on l'avait présenté, mais seulement le visage. Vous avez le visage, là, sur la photo. C'est une photo qui est collée sur la boîte. Ouais. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'année dernière, à l'époque où l'on pouvait, vous le rappelez peut-être, visiter librement et à loisir les expositions, le musée d'Orsay, à l'initiative de sa présidente, Laurence Descartes, on a présenté une qui était magnifique. Cette manifestation s'intitulait « Le modèle noir de Géricault à Matisse ». Son succès a été éclatant auprès d'un public qui s'est élargi et qui s'est rajeuni au-delà de la fréquentation ordinaire. Pap Ndiaye, qui est familier de cette émission, l'auteur d'un livre déjà classique, « La condition noire », en était l'un des collaborateurs scientifiques. Il était accompagné dans cette tâche, notamment, d'Anne Lafont, que j'ai invité ce matin. Car il se trouve qu'elle a, comme directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, produit des travaux remarquables dans ce champ. Le champ des relations entre d'une part la notion de la race, une notion que nous savons si problématique, et d'autre part l'histoire de l'art qu'elle élargit à bon escient à l'ensemble des représentations visuelles. Son livre majeur s'intitule en effet « L'art et la race, l'Africain contre l'œil des Lumières ». Elle a braqué son attention sur un siècle, le 18e, antérieur à celui que couvrait l'exposition de 2019. Mais nul doute qu'entre racisme et racialisme, les débats contemporains sont faits pour conférer à cette période aussi, sous l'angle de l'art, une portée non moins essentielle. Il s'agit, comme elle l'écrit, de considérer, je la cite, « un imaginaire qui a traversé les époques, parfois jusqu'aujourd'hui ». Nous allons considérer avec elle le regard de domination qu'une société a porté jusqu'à la Révolution comprise, à travers ses artistes, sur celles et sur ceux qu'elle avait, pour une grande part, esclavagisés. Non sans que divers créateurs aient porté, dès cette époque et de diverses façons, des protestations et des indignations qui trouvent, elles aussi, leur écho en notre temps. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimé. Femme nue, femme obscure, huile que ne rit de nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali, gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau, délice des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire, à l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Anne Lafont, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous tomberez d'accord avec moi, mais il m'a semblé que ce poème très célèbre et magnifique de Saint-Goar, « Femme noire », un poème tiré du recueil « Chant d'ombre » de 1945, pouvait assez bien nous conduire à l'orée de notre sujet. Absolument, oui, c'est vraiment un poème magnifique, et puis c'est vrai qu'il fait écho un peu à un tableau que nous avions donc exposé à l'exposition Le Modèle Noir l'année dernière, et qui ouvrait même l'exposition, ce tableau de 1800, qui est maintenant intitulé Portrait de Madeleine, puisqu'on a retrouvé le nom de la modèle, et qui était un portrait de femme, qui est toujours d'ailleurs un portrait de femme qui se trouve dans la collection permanente du musée du Louvre, peint par Marie-Guillaumine Benoît. Je voudrais en effet vous interroger et sur ce tableau, qui me paraît assez bien pouvoir concentrer en lui-même d'ailleurs toutes les richesses et les ambivalences du sujet qui est le nôtre et que nous allons traiter ce matin. Vous avez d'ailleurs vous-même publié un petit livre consacré à ce tableau qui s'appelait « Portrait de femme noire » et dont vous avez changé le titre d'ailleurs, vous allez peut-être vous en expliquer. L'analyse que vous en faites me paraît très, très riche parce qu'elle n'est pas simpliste, ça ne m'étonne pas de votre part, mais qu'elle est complexe. Je voudrais que vous nous expliquiez cela. Évidemment, la difficulté, c'est qu'à la radio, on ne peut pas avoir un tableau sous les yeux, mais nous le mettrons bien sûr sur notre site et puis on peut le trouver assez facilement sur la toile. Oui, alors c'est un très beau tableau d'une femme noire en buste qui est en fin de compte coiffée d'un foulard blanc qui porte une boucle d'oreille créole à une oreille et dont on voit le corps en partie recouvert et en partie découvert, notamment la poitrine, et qui a donné lieu, étant donné que voilà les étoffes qui la couvrent sont de bleu, de blanc et de rouge, qui a donné lieu à toute une interprétation, je dirais, dans le contexte révolutionnaire ou directement après la Révolution, puisque c'est un tableau de 1800, et j'ai choisi pour ma part de déplacer un petit peu finalement la compréhension de ce tableau-là et d'essayer de le remettre dans une série d'objets, une série de tableaux qui appartient à l'Atlantique noire, c'est-à-dire d'autres représentations de femmes noires, soit des signards du Sénégal, soit des femmes noires qu'on pouvait trouver à Saint-Domingue ou en Louisiane. Et ça m'a permis de modifier un petit peu, peut-être, et de comprendre à quel point les modèles, mais cette modèle en particulier, participent aussi de la représentation qui est faite d'elle par cette jeune femme blanche, en l'occurrence dans le cas de Madeleine. Et votre regard refuse l'interprétation érotique et refuse l'idée qu'il y a un regard surplombant sur elle. Vous y voyez dans ce beau tableau déjà les éléments d'une possible libération. Expliquez-nous ça. Oui, alors il y a peut-être deux choses. Déjà le contexte, on est en 1800, on est exactement dans ce premier temps de la première abolition de l'esclavage. À la jonction des deux siècles dont nous parlons. Voilà, absolument. Et en 1794, il y avait eu la première abolition de l'esclavage. Il ne sera rétabli par Bonaparte seulement en 1802. Donc on est vraiment dans un temps où il y a une citoyenneté possible pour les Noirs, bon, pour les hommes, pas pour les femmes, mais qui a peut-être ouvert aussi à une dimension stylistique qui donne à la fois à cette femme-là, mais aussi à quelques autres tableaux, une pleine, oui, vraiment une représentation qui leur donne, qui les crédite finalement d'une humanité plus complète que celle qu'on avait vue tout au long du XVIIIe siècle. Et c'est vrai que dans... À cette aune-là, il est intéressant de penser que ce sein peut avoir plusieurs significations. Cette nudité n'est pas forcément l'objet du regard masculin de la convoitise. En l'occurrence, c'est une femme qui l'a peint en plus. Et ça peut être aussi à la fois évoquer les figures républicaines, les figures mariannes, aussi peut-être les Amazones, mais aussi toutes ces femmes noires que l'on retrouve encore une fois autour de l'Atlantique noire, qui ont depuis leur corps finalement pensé une forme d'émancipation. Et notamment dans le cadre d'unions matrimoniales, enfin, où elles ont pu conquérir une forme de liberté pour elles-mêmes ou pour leurs enfants en s'alliant finalement sur le plan du concubinage avec des hommes européens, colons ou bien dans les villes comptoires comme Gorée ou Saint-Louis du Sénégal. Ce tableau et le commentaire que vous en faites nous conduit aussitôt vers ce fil rouge qui va parcourir notre conversation, me semble-t-il, c'est-à-dire une évidence. La race n'est pas biologique, bien sûr, mais qu'elle est une notion historique, qu'elle est une notion sociale, une notion construite, qui néanmoins existe en tant que telle. C'est-à-dire, on peut le dire en passant, pourquoi l'idée de supprimer le mot race de la Constitution paraît un peu étrange, pour ne pas dire loufoque, car on ne peut pas parler de racisme si on n'admet pas que la race existe, au moins dans le regard de ceux qui en parlent. Absolument. C'est-à-dire que ce n'est pas une vérité scientifique. Ça, je pense que ça a été définitivement discrédité par la science, je l'espère en tout cas. Mais ça demeure une construction sociale, culturelle, et qui peut être datée d'ailleurs. C'est vraiment une invention, je dois dire, de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Et de ce fait-là, elle agit encore, peut-être jusqu'à aujourd'hui, de différentes manières. Et il apparaît nécessaire de la toucher précisément et de comprendre comment elle a été inventée, dans quel contexte et pour quelles raisons aussi. Et dans ce cadre-là, l'art de la peinture a été un allié tout à fait efficace, puisqu'on parle de pigments, on parle de la manière de représenter les couleurs de la peau comme marqueur principal, finalement, de l'altérité. Et de ce fait-là, oui, on doit la considérer au moins comme une invention historique avec des ramifications, même si elle n'a pas une réalité scientifique, encore une fois. Et alors, considérant ces tableaux, ces œuvres diverses, vous partez de ce qui vous est apparu comme une évidence, c'est-à-dire que, je vous cite, « la quête de blancheur s'avère être l'envers de la conquête savante, artistique, économique, politique et juridique de la noirceur. Cette dialectique du noir et du blanc, je souhaite que vous y attardiez un instant, que nous y attardions un moment. » Oui, c'est-à-dire que ce qui m'est apparu manifeste, c'est que l'angoisse du métissage, du mélange des races, en fait, est une angoisse très importante dans les mondes coloniaux, où qu'ils soient d'ailleurs, et fait l'objet finalement de législations empêchant les unions entre noirs et blancs. Par exemple, et on pourrait le décliner à d'autres configurations, je dirais, de rencontres entre différentes races. Il y a un ouvrage fondateur, c'est celui de François Bernier, que vous mettez en lumière, 1684, « Nouvelle division de la Terre par les différentes espèces ou races d'hommes qui l'habitent », 1684. Oui, et qui est tout à fait contemporain du Code Noir. Donc c'est là où on voit qu'il y a une de Colbert, absolument. Oui, et on voit qu'il y a collusion finalement du monde savant et du monde politique autour de la nécessité de se représenter ce monde agrandi qui est le monde colonial et d'essayer de l'organiser conceptuellement autour de la couleur de la peau comme encore une fois un marqueur efficace pour essayer de stabiliser finalement des sociétés qui apparaissent étrangères. Aux Européens qui se déplacent de plus en plus de par le monde. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, enfin, Bernier publie un article fondateur, donc dans les années 80, et puis il est ensuite commenté, étoffé jusqu'au système mis en place par Linné, qui est autour de quatre couleurs comme étant un système stable d'explication, autour de quatre couleurs de peau comme étant vraiment le schéma ou la grille qui sera possible de décliner dans le monde entier. Donc blanc, jaune, rouge et noir. Mais ça a duré longtemps, puisque je me souviens que dans mes premiers manuels scolaires à l'école primaire, il y avait encore, en géographie, il y avait encore les quatre vignettes, effectivement, le jaune, le blanc, peau rouge, les peaux rouges et le noir. Oui. Vous faites un sort, Anne Lafont, à des tableaux qui vous ont frappé et qui sont fréquents dans ce XVIIIe siècle, sur lequel surtout nous allons concentrer notre attention. Ce sont des dames de la bonne société accompagnées de ce qu'on appelait un petit négrillon noir. Vous vous attachez en particulier à décrire le portrait de Louise de Kerwal, duchesse de Portsmouth, qui était la maîtresse d'un roi d'Angleterre. Expliquez-nous ce qui vous paraît particulièrement révélateur dans ce tableau, quant à la question qui nous occupe. J'ai essayé de chercher des moments un peu charnières, et il se trouve que c'est exactement à la même date, justement, que le Code Noir et la publication de l'article par François Bernier, donc on est aussi au milieu des années 1680, que ce portrait est réalisé par Mignard, et qui est, selon moi, en tous les cas dans la connaissance que j'ai de l'art français, une des pierres angulaires, finalement, d'une iconographie qui va connaître une grande fortune tout au long du XVIIIe siècle, tant en Angleterre qu'en France, autour, justement, de cette articulation de ce que j'ai appelé ces jouets vivants, de ces petits personnages noirs sous la forme de serviteurs, de domestiques, et non pas précisément d'esclaves, mais dans des avatars, je dirais, de ce type de fonction. Et ces femmes, ou ces hommes, d'ailleurs, on a aussi quelques hommes blanches qui sont accompagnés, justement, de ces personnages minuscules, minoré finalement par l'iconographie. Et dans ce sens, il me semble qu'il y a une allégorie un petit peu de la relation qui se joue entre l'Europe et les mondes noirs ou les mondes africains, parce qu'il y a aussi l'Afrique des colonies en quelque sorte, qui est condensée dans ce type d'iconographie autour notamment de ce portrait de Kérouaal par Mignard en 1684. Mais la fortune est très longue tout au long du XVIIIe siècle. Il y en a d'autres que vous reproduisez dans votre livre sur l'art et la race. Oui, l'argilière par exemple. On retrouve des portraits aussi de femmes blanches avec un certain nombre de pages noires qui les accompagnent. On peut voir aussi chez Vignon des modèles repris, même à deux personnages de femmes blanches qui sont accompagnées justement d'un petit personnage noir encadré parfois par un petit chien ou par un petit singe et qui doivent fonctionner comme une arabesque, d'ailleurs de limite de l'humanité, c'est-à-dire ces petits animaux, ces petits personnages qui sont en contrepoint et aussi pour rehausser en quelque sorte la civilité et la blancheur des femmes qui les accompagnent. Oui, le blanc et le noir, c'est l'époque où Montesquieu parle de la couleur de la peau comme essence de l'humanité, déjà une sorte d'essentialisme, même si lui-même est hostile à l'esclavage. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, une construction intellectuelle d'un monde agrandi qui a besoin, je crois, de fixer un certain nombre d'éléments qui pourraient être rassurants dans les frontières que l'on peut établir entre les uns et les autres. Et la couleur de la peau, dans ce sens, paraît être un moyen très efficace de signifier l'autre et de se signifier soi-même. C'est la raison pour laquelle aussi il y a tout un... une manière de jouer ou de rejouer, de renforcer, de renchérir la blancheur autour des poudres, du maquillage et de la manière de se présenter au monde en quelque sorte. Et je crois que c'est vraiment la réponse à l'angoisse du métissage et à la découverte finalement d'une altérité qui pourrait être compatible et donner lieu finalement à des mélanges qui sont la source d'une angoisse profonde. Est-ce que dans cet art que vous analysez, Anne Lafont, vous apercevez aussi une sorte d'opposition entre le mal et le bien. Montesquieu, lorsqu'il a le goût de citer ce qui pourrait être, il ne le fait pas sien, un plaidoyer pour l'esclavage, écrit « On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir ». Oui, alors ça c'est la question de l'âme, de l'animation, de l'humanité des Noirs et des Africains en général est une grande question, puisque si c'est le cas, la dimension, je dirais précisément, universaliste de la religion chrétienne doit pouvoir les intégrer comme les autres. Donc finalement, il y a cette nécessité de résoudre la question de l'humanité des Noirs pour les intégrer justement à la question, enfin à la religion chrétienne, et dans ce cas, ne plus exercer sur eux des formes de domination, notamment l'esclavage. Pour aller au fondement des interrogations de l'époque, l'humanité reconnue, enfin passant par le fait d'avoir une âme, intègre ou rejoint finalement la question de la religion et encore une fois d'une forme d'égalité. La religion serait le seul moyen à l'époque, en tout cas avant la Révolution française, de penser une égalité et donc de renoncer à l'esclavage. Donc je crois qu'il pose par ce Montesquieu, par cet artifice, puisqu'il reprend à son compte finalement les propos d'une position contraire, de ce fait-là, il interroge les chrétiens face à eux-mêmes, c'est-à-dire iront-ils jusqu'à intégrer, à partir du moment où ce sont des hommes, les Africains sont dotés d'une âme, iront-ils jusqu'à les intégrer dans la chrétienté et du coup renonceront-ils à l'esclavage? Et cela, vous le lisez dans le patrimoine artistique de cette époque? Je dirais pas que ça se pose de manière aussi explicite, il faut mettre ça en correspondance vraiment avec les sources textuelles, mais la question de la représentation du monde, par exemple, la question de l'humanité, notamment quand on regarde un certain nombre de dessins, je dirais, de Watteau à l'époque, où on a l'utilisation des trois crayons pour créer la peau blanche ou la peau noire, c'est une manière de penser, si vous voulez, une humanité autour d'une matrice commune, c'est-à-dire il a le même matériels pigmentaires pour fabriquer une peau noire et pour fabriquer une peau blanche. Alors selon moi, ce sont les moyens par lesquels les artistes posent une forme d'égalité, si vous voulez. C'est de cette manière qu'on peut, je crois, toucher à des formes d'interrogation et de relations sociales que les artistes ou que l'art a avec la société, en les contextualisant et en reposant les questions selon leurs propres moyens. Vous utilisez le mot pigment, il est intéressant parce qu'il peut concerner à la fois le maquillage, effectivement, et un élément naturel de la peau. Oui, tout à fait. Ça, c'est une des choses qui est assez fascinante. C'est-à-dire que le pigment, qui vient lui-même du piment, c'est une épice déjà, donc une épice qui est liée évidemment au monde colonial. Et d'ailleurs, on trouve dans les récits des voyageurs, enfin, l'idée, notamment chez Lafitau, l'idée que pour les peaux rouges, hein, c'est parce qu'ils se peignaient tellement qu'au bout d'un moment, ça fait partie d'un patrimoine qui est artificiel, si vous voulez, mais qui réussit à se transmettre dans la reproduction, tellement le rapport au roucou du Brésil, par exemple, au rouge, a été incarné, incorporé par les autochtones, pour le dire, ou pour les Amérindiens, tels qu'ils étaient pensés depuis les cabinets savants européens. Donc la pratique finit par influencer la nature elle-même. Mais je voudrais vous amener vers l'albinos, parce que ça me paraît évidemment un défi majeur par rapport aux interprétations binaires et simplistes, et cela a beaucoup préoccupé les savants, les publicistes du XVIIIe siècle. Et pour ouvrir ce moment de notre conversation, écoutons donc ces citations de Maupertuis, le fameux Maupertuis, l'explorateur du pôle Nord, tel qu'il est présenté par Paul Ostoya. C'était un journaliste botaniste et mycologue spécialiste des champignons, qui cite les dissertations de Maupertuis sur l'origine des races, 1744. En 1744, la venue d'un jeune Africain décoloré, nous dirions aujourd'hui plutôt albinos, fournit à Maupertuis l'occasion de deux dissertations, l'une sur le nègre blanc, l'autre sur l'origine des noirs. On trouve dans l'une et dans l'autre quelques idées d'une assez grande portée. Maupertuis note que la différence de couleur, si sensible aux yeux, est en soi fort peu de choses. Il admet que la décoloration, qui se note aussi chez des animaux comme les merles et les corbeaux, est une anomalie qui peut surgir spontanément et être d'emblée héréditaire. C'est exactement la définition de ce qu'on appelle aujourd'hui une mutation. La nature, écrit Maupertuis, contient le fond de toutes ces variétés, mais le hasard ou l'art les mettent en œuvre. Nous voyons paraître des races de chiens, de pigeons, de serins, qui n'étaient point auparavant dans la nature. Ce n'ont été d'abord que des individus fortuits, l'art et les générations répétées en ont fait des espèces. Cela suffirait peut-être, ajoute Maupertuis, pour faire penser que le blanc est la couleur des premiers hommes, et que ce n'est que par quelque accident que le noir est devenu une couleur héréditaire aux grandes familles qui peuplent la zone torride, parmi lesquelles cependant la couleur primitive n'est pas si parfaitement effacée qu'elle ne reparaisse quelquefois. Pour être tout à fait darwinien, il ne manque à Maupertuis qu'une idée, celle que la couleur noire a été conservée par une sélection naturelle, agissant tout comme la sélection artificielle pratiquée par les éleveurs. Plus tard, Maupertuis envisagera l'action directe du climat comme ayant pu causer la couleur noire de la peau. Cette idée, beaucoup plus courante, est ce que nous appelons l'hérédité des caractères acquis. Mais Maupertuis ne s'y ralliera jamais de façon résolue. Cette lecture, Anne Lafont, de l'œuvre de Maupertuis, je renvoie pour en savoir davantage aux beaux travaux de Elisabeth Badinter. Est-ce que le regard jeté par ce journaliste sur Maupertuis vous paraît fidèle, bienvenu? Oui, absolument. Et Maupertuis pensait que la couleur des premiers hommes était blanche et que finalement le noir était un accident, ou alors on parlait aussi de dégénération. C'est quelque chose qui est assez répandu à l'époque. Et de ce fait-là, l'albinos pose problème. Enfin, c'est vraiment le cas limite qui défie finalement tous les systèmes qui tentent d'expliquer la diversité humaine. On le peint parfois au XVIIIe siècle, l'albinos, on le dessine, ah oui, alors il y a toute une iconographie très importante. On a des pastels de Peyronaud, on a des gravures qui illustrent les traités scientifiques. C'est vraiment un enjeu de dessin, de peinture, et on a différents formats. On a aussi dans l'histoire naturelle de Buffon un certain nombre de représentations des ce qu'on appelait à l'époque les nègres pis, c'est-à-dire ce vitiligo, c'est-à-dire un corps en quelque sorte tacheté ou dépigmenté. pigmenté par endroits et avec pigmentation à d'autres. Donc c'est vraiment un défi d'artiste, hein, et c'est aussi un défi de l'histoire naturelle qui amène finalement les théoriciens, enfin, à essayer de le comprendre, de l'intégrer justement dans ce système de classification de la diversité humaine, et les artistes à expérimenter finalement, encore une fois, un rapport à l'anatomie, un rapport à la carnation, tout à fait nouveau pour eux, et qui est d'autant plus, exploré, je dirais, par le biais, encore une fois, du pigment. Qui sont-ils, ces nègres pis ? Eh bien, ce sont ceux qui ont la peau noire et blanche, en fin de compte, hein, qui ont des surfaces entières du corps qui sont sans pigmentation. Comme certains oiseaux, d'où le nom ? Absolument. Alors c'est un nom peut-être qu'on n'emploierait plus trop aujourd'hui, mais effectivement c'est la manière dont on les désigne au XVIIIe siècle. Oui, mais c'est le fait d'avoir la peau de deux couleurs, mais de manière non pas, je dirais, unifiée ou homogénéisée, mais vraiment sous forme de taches, il faut bien le dire, et qui ont donné lieu à de nombreux tableaux au XVIIIe siècle. Comme nous détestons l'anachronisme, nous ne nous interdisons pas de restituer le vocabulaire du temps, sinon on s'égarerait. Cette réflexion sur le noir, blanc, maquillage quant à la beauté des femmes en particulier, on la retrouve au cours du siècle suivant. Sans excès d'anachronisme, ou peut-être le trouverez-vous ainsi, je vais vous faire entendre une interview de Joséphine Baker au moment de son arrivée en France en 1924, où elle a connu très vite le rayonnement et la gloire que nous savons. C'est une interview tardive du 10 décembre 1953. Quand je suis arrivée en France 1924, comme vous le savez, c'était la mode de les femmes. Les femmes étaient très blanches, de peau jolie et pâles. Toutes les femmes étaient roses, roses pâles avec le poudre de riz tout à fait blanche pour se rendre encore plus blanche que c'était la peau naturelle. Les longs chevelures assez fortes avec la taille de guêpe. Et moi, je suis arrivée en diable, disons-nous, et j'ai fait avec la coupe des cheveux à la garçonne, que c'est de nouveau à la mode aujourd'hui, la peau bronzée, et les pauvres malheureuses femmes étaient obligées de rester au soleil pendant 3 ou 4 mois pour se faire tanner la peau, et souvent c'était malheureux parce que les médecins étaient obligés d'intervenir pour leur santé parce que ça les rendait malades ou brûlés ou les poumons malades, enfin beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait bien pour eux au point de vue santé, mais tout de même elle voulait à toute force être bronzée. Alors les maisons comme Antoine, le coiffeur, a inventé des crèmes pour bronzer la peau plus vite, paraît-il, et en même temps la taille de guêpe est devenue, il est resté taille de guêpe, mais les hanches aussi étaient devenues toutes minces et allongées. Les spores ont commencé à développer les femmes pour que ça soit, qu'ils soient musclé, et enfin en tout et pour tout est changé. C'est Joséphine Baker, transposez-la un instant sans trop d'artifice, Anne Lafond, dans votre 18e siècle. Oui, alors bon, c'est tout à fait juste ce qu'elle dit sur les modes et comment les modes deviennent des modèles, parce qu'elle explique bien que voilà, la mode était autour du teint clair, et qu'elle arrivait donc à la fois, enfin, avec sa coupe à la garçonne et en même temps son teint bronzé, dit-elle. C'est intéressant parce qu'on sent qu'elle arrive, elle va habiter le cliché, c'est-à-dire comme un diable, encore une fois, ce sont ses mots, elle va être un petit peu le côté obscur justement de cette mode alors, mais en même temps elle va l'habiter et tranquillement le retourner, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle va déplacer la mode et probablement devenir aussi un modèle. Ça c'est tout à fait intéressant et ça montre aussi à quel point elle a cette intelligence de toute sa vie d'ailleurs, hein, de savoir comprendre finalement le contexte dans lequel elle agit ou même dans lequel elle répond finalement à une demande qui lui est extérieure. Et puis tout à coup, elle est capable elle-même d'être une figure de proue de ce qu'elle dit, à la fois d'un corps sportif, plus élancé, d'une couleur de peau qui peut être attractive, qui est brune, enfin, et sa coupe, encore une fois, à la garçonne, donc qui montre que sur le plan à la fois, du sexe ou du genre même et de la race, elle réussit à transformer une mode en un modèle, finalement, pour les femmes d'alors. Ça, j'aime beaucoup ça. Et je crois que, mais dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire que c'est le rapport que l'on déploie par rapport à son propre corps s'inscrit dans un contexte à la fois social et politique, qui est une réponse et qui peut être aussi, des fois, un peu une figure voilà, nouvelle qui réussira à imposer un modèle, un canon un peu nouveau. Social et politique, on n'est jamais loin effectivement de la politique. Une des manières d'en traiter, c'est d'évoquer les rapports entre les États-Unis d'Amérique et la France et la vieille Europe. Je pense à un personnage comme Jefferson auquel vous faites un sort. Il est intéressant. Effectivement. Il est très intéressant. On y pense chaque fois qu'on passe, quand on est parisien, sur le quai à côté du musée de la Légion d'honneur, puisqu'il est là, posé au-dessus de la Seine. Il a été ambassadeur à Paris, comme nous savons. Il a eu des esclaves, il a eu des enfants mulâtres. Il disait en 1786, à propos du blanc et du noir, « Ajoutons à ces avantages du blanc des cheveux flottants, une forme plus élégante, et enfin, écoutez bien, le jugement des noirs eux-mêmes en faveur de notre espèce, jugement déclaré par une préférence aussi constante que celle que donne l'orang-outan à la femme noire sur sa propre femme. » Fascinant. Oui, difficile. Oui, je le cite, j'assume. Oui, ça n'a pas été sa phrase la plus inspirée, je dirais. Non, mais révélatrice. Révélatrice, absolument, aussi de la caution, d'ailleurs, du passage par l'animal pour essayer de faire dire des choses aux noirs. La beauté est blanche, de l'aveu même des noirs, du point de vue d'une historienne de l'art, c'est important. Oui, il est assez évident, je crois l'avoir un peu montré dans mon livre, que l'esthétique, l'art, le style est souvent là pour naturaliser une idéologie qui aurait plus de mal à passer dans le cadre d'une démonstration. C'est-à-dire pour imposer quelque chose, l'art a tendance, encore une fois, à avoir une efficacité naturalisante qui est très remarquable. Et là, il me semble que ce détour par la beauté, ce détour par l'animal aussi, sont deux formes, enfin deux manières de la part de Jefferson d'imposer finalement une réalité qui est juste une construction idéologique de sa part. Il y a concomitamment l'idée chez lui que la supériorité des blancs se voit aussi dans l'expression des passions, parce qu'elles se lisent exclusivement, ces passions, sur les visages blancs. Je ne sais pas si ça se traduit aussi dans le domaine artistique à l'époque. Oui, c'est-à-dire cette forme d'opacité prétendue de la lisibilité des émotions des Noirs serait finalement la justification, selon Jefferson, de leur non-accès à la vie politique. C'est-à-dire que ça va loin. On est d'un régime qui est celui de la représentation des passions ou de la lecture des passions, qui a été l'objet d'une enquête de nombreux artistes depuis Lebrun. Hein, Lebrun en dialogue avec Descartes dès le XVIIe siècle. Donc c'est quelque chose qui fait partie des arts, et au nom de cette illisibilité des émotions sur les visages noirs, effectivement, Jefferson interdit ou justifie à ses yeux, moralement, l'interdiction d'émanciper finalement les Noirs de leur statut d'esclave à celui de citoyen au moment de la Révolution américaine. Donc cette imbrication, encore une fois, de l'esthétique et du politique est très intéressante, parce qu'on voit bien qu'il y a un moment, quand il n'y a plus d'arguments, on stabilise autour d'un style, d'une esthétique qui a tendance à étouffer finalement ce qui pourrait être un peu plus questionnable. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Alors j'en viens maintenant à la fois à un autre volet de votre réflexion sur l'art des Lumières comme fabrique de la race, notre sujet de ce matin, c'est le fait qu'on constate un tournant visuel de la science de l'homme. Et la représentation iconographique de la recherche scientifique des spécialistes de la nature, des animaux, botaniques, etc., et de l'homme bien sûr, comment tout cela change beaucoup les images. Alors, je donnerai un exemple typique et assez révélateur à mes yeux. C'est celui de Camper. Pierre Camper, vous nous le révélez, enfin moi en tout cas, comme un personnage majeur. Pierre Camper est un médecin et naturaliste, et la particularité de ce médecin et naturaliste, c'est qu'il était aussi dessinateur. Il écrit, je vous interromps, il écrit « Le dessin et le plastique furent les principaux amusements de mes premières années. Il avait effectivement une vocation. Dans un âge plus avancé, je fus singulièrement frappé de la configuration et de la couleur des noirs. Mais la peau et les traits de la physionomie des nègres des Indes occidentales et de l'Afrique fixèrent surtout ma curiosité. Ce point de départ le conduit assez loin, en fait. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que, encore une fois, il ne délègue pas l'illustration de ses traités scientifiques à d'autres, il le fait lui-même, et je crois que c'est à ce compte-là qu'on est au plus près dans, justement, l'appareil graphique qui accompagne ses expérimentations, au plus près de, finalement, la manipulation qu'il fait dans les laboratoires. Et c'est de cette manière que j'ai cru pouvoir démontrer qu'il renonce à la figuration de la différence humaine sous un format vertical, pour proposer un format horizontal qui aura une telle fortune autour de la chaîne de l'évolution telle qu'elle a été représentée graphiquement à l'époque de Darwin, donc 60 ans, 70 ans plus tard. Mais lui est le premier à utiliser le format horizontal, et il me semble que c'est parce qu'il prend finalement modèle sur les étagères qui sont celles de son cabinet laboratoire et qu'il les réplique dans l'image. Donc le fait même de ne plus déléguer à un artiste un petit peu lointain à qui on dicte deux, trois choses à représenter dans l'illustration qui accompagnera le traité, mais bien d'être lui-même le traducteur graphique de l'expérience en atelier, en laboratoire, en cabinet, on a affaire finalement à une modélisation à dominante horizontale qui sera celle qui conviendra dans la conviction ou la propagande visuelle autour de la chaîne de l'évolution telle que la mettra en place Darwin plus tard. Donc, donc l'atelier d'artiste peut devenir un laboratoire de la science de l'homme, c'est fondamental. Oui, c'est-à-dire quand l'artiste est aussi le savant, quand c'est la seule et même personne, et c'est le cas de Camper. C'est aussi le moment où émerge vraiment le musée tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il est étudié par Christophe Pomian dans un magnifique ouvrage qui vient de paraître, une histoire mondiale du musée. Absolument. J'observe aussi que Camper écrit, vous allez réagir à ça, « J'ai déjà fait voir dans une dissertation particulière sur la couleur des nègres qu'il est indifférent qu'Adam et Ève aient été blancs ou noirs, puisque le changement du blanc au noir est aussi grand que celui du noir au blanc. » Fin de citation. Oui, ben c'est une déclaration d'égalité, je dois dire, là, pour le coup. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et le fait même qu'ils le disent, on voit à quel point c'était une révolution de pensée, qu'il puisse y avoir, de l'un à l'autre, non pas plus d'obstacles, finalement, de passer du noir au blanc, que du fait d'aller du blanc au noir. Donc, il concède, en fait, à la théorie esthétique que la couleur de la peau était en quelque sorte conjoncturelle, était superficielle, presque du maquillage en somme, en tout cas un élément sur lequel on ne pouvait pas fonder savamment la différence, l'altérité. Oui, c'est la deuxième rupture, opération que fait Camper, qui m'apparaît tout à fait cruciale. C'est qu'il, même s'il déclare dans son premier traité avoir été marqué par le fait qu'il avait croisé une personne noire dans sa jeunesse et que depuis l'enquête sur l'origine de la couleur des noirs l'avait motivé en quelque sorte à faire des recherches scientifiques, à la fin du XVIIIe siècle, il renonce à la couleur de la peau et à la peau comme le lieu depuis lequel l'altérité se lit, s'écrit en quelque sorte, et il choisit d'aller vers une science que j'ai appelée plus dure, c'est-à-dire vers le squelette, vers le crâne, comme étant le lieu possible de toucher une altérité aussi qui est plus fixe, plus stable. C'est-à-dire que le fait même que la couleur de la peau change, qu'on puisse se métisser, se mélanger, et qu'on peut perdre même la visibilité de cette couleur, l'albinos étant un autre exemple du caractère instable de la signification de l'autre, Camper ouvre tout un chantier, qui donnera lieu à l'anthropologie physique d'ailleurs, tout un chantier à partir de justement l'angle facial, la question du crâne, l'étude des squelettes, etc. On entre dans l'ère de la phrénologie, d'ailleurs. Oui, tout de suite après, c'est effectivement l'ère de la phrénologie. Tout c'est le dur qui l'emporte sur le mou, en quelque sorte. Le mou disparaît avec la couleur. Il me semble. C'est ça. Et temporairement. Bien sûr, mais raison de plus pour le signaler. Oui. Et on est en contraste avec Buffon, par exemple. Oui, je crois que c'est vraiment une autre dynamique, justement. Avec Buffon, on avait plutôt un inventaire de toutes les formes de diversité, de variété visible à l'œil nu. Avec Camper, on pousse l'enquête davantage à l'intérieur du corps et on la fonde effectivement sur le squelette. Et alors, il fait des constructions qui sont assez intéressantes parce que là, il fait fait preuve de tout son art pour arriver à convaincre du fait qu'il y a une évolution en quelque sorte du singe à l'Apollon du Belvédère, qui passe par l'homme noir et l'homme blanc, et il met en correspondance, je dirais, la figuration du singe, de l'homme noir, de l'homme blanc et de l'Apollon. Il leur fait correspondre des crânes pour expliquer la différence de configuration des crânes de l'un à l'autre. Sauf qu'il invente, et il crée un faux, en quelque sorte, avec le crâne qu'il prête à l'Apollon du Belvédère. Une statue n'a pas de crâne, mais il en invente une de toutes pièces dans ses gravures pour rendre sa démonstration graphique absolument parfaite, théoriquement, même si elle est absolument fausse, concrètement. Alors, dans cette dialectique du dur et du mou, Anne Lafont est au cœur des sensibilités de l'époque, je veux dire, au tournant du 18e et du 19e siècle, on trouve le cas topique intéressant du point de vue qui nous occupe, c'est-à-dire art, science et conception de la race. On trouve la Vénus Hottentote. Dites-nous un mot de cette célébrissime Vénus Hottentote. De qui s'agit-il ? C'est une jeune femme, Sartieu Bartman, donc, qui est originaire d'Afrique du Sud, de la communauté des Khoikhoi. Une tribu d'Afrique du Sud ? Absolument. Qui a été emmené en Europe et qui a fait l'objet à la fois d'une prise en charge savante, mais avant cela aussi qui a été un phénomène de foire, si on peut dire. Les zoos humains fameux, oui. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et puis, qui donc a été ensuite capté par Cuvier, qui a souhaité à la fois faire le moulage de son corps et préserver un certain nombre de ses organes, notamment dans du formol et son squelette également, pour la science et pour documenter, je dirais, cette déformation visiblement qu'elle avait au niveau des reins et du fessier, pour essayer de la comprendre. Donc il y a eu à la fois un premier temps de conquête phénoménale, monstrueuse, de monstration, elle était vraiment un objet de foire, et dans un deuxième temps, une forme de conquête de son corps par la science, qui a voulu, en fin de compte, la défaire complètement pour pouvoir toucher au plus près de ce que la science d'alors, 1815, considérait comme une monstruosité humaine. Elle a été beaucoup dessinée Il y a énormément de dessins d'elle, il y a aussi un moulage, il y a toutes sortes de représentations, et jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à récemment, même un film qui a donné lieu à, comme ça, une enquête par la vision autour de ce phénomène, si on peut dire, de 1815. Et on l'a rendue à l'Afrique du Sud en 2010. Je vais vous faire entendre un reportage de Céline Duchesnay au Musée de l'Homme sur le moulage du corps de la Vénus Hottentote. C'est un extrait de la Marche des sciences sur France Culture le 18 novembre 2010. Il y a de la délicatesse dans les propos du spécialiste qui accueille la journaliste. Je suis en train de sortir. Ouvrir la caisse où on conserve la Vénus, le moulage de la Vénus Hottentote de Sartieu Bartman. Elle est donc conservée dans une caisse en bois. Il est marqué dessus tenir au sec, côté à ouvrir, fragile. Vous êtes privilégié, hein, que je puisse vous montrer ça. Pourquoi ? Parce que normalement vous ne la montrez plus ? Ben non, on ne la montre plus, non. Enfin, dans la dernière exposition de préfiguration du nouveau musée de l'homme, on l'avait présenté, mais seulement le visage. Voilà. Le moulage original. Le seul. On voit une femme avec les yeux fermés. Ben oui, quand on fait un moulage. Bon, là en plus, c'est un moulage post-mortem. Mais en général, évidemment, il faut fermer les yeux, même si on fait un moulage sur le vif. Donc le visage est assez beau, je trouve. Il est plutôt gracieux et on ne voit pas le prognatisme prétendu qui a été décrit par Cuvier. Et vous savez, c'est un moulage qui a été fait après la mort. Alors je me demande dans quelles conditions il a dû être moulé forcément à l'horizontale. Et en fait, elle est présentée debout, comme si elle était... vivante. On devait faire le moulage en plusieurs fois. En fait, après, on recollait certainement les morceaux parce qu'on ne pouvait pas sortir tout le corps d'un seul coup. Et donc, il y a peut-être eu un remodelage avec exagération même des formes du bassin. Parce que quand des anthropologues ont comparé le moulage au squelette, ils se sont aperçus qu'il y avait certainement une petite exagération dans la largeur du bassin. Et quand est-ce que ce moulage a été effectué? Quand et pourquoi? Ça, il a été effectué à la mort de Sergi Bartman au muséum, après sa mort, pour certainement conserver son image pour la postérité. Ça se faisait beaucoup au début du 19e siècle et dans le courant du 19e siècle, non pas forcément de mouler tous les corps, ça c'était assez rare, mais en tout cas de mouler les visages, les bustes, pour exposition. 1815, Anne Lafont. Oui, c'est très, très émouvant d'écouter cette archive parce qu'on sent tout le soin vraiment dans tous les sens du terme du conservateur. J'imagine que c'est le conservateur qui est là à parler de Sergi Bartman, en tout cas de son moulage. Et je trouve ce qu'il met bien en évidence, c'est à quel point, comment on travaille avec les objets et les images. C'est-à-dire que c'est une fausse empreinte. Donc on est vraiment là, typiquement dans le jeu entre l'art et la science, que j'essayais d'expliquer plus tôt, où il y a une marge pour faire dire un peu plus quelque chose, avec le crédit scientifique en revanche, ou de la vérité, encore une fois l'empreinte, et Georges Didier Huberman a écrit là-dessus de manière remarquable, c'est quelque chose où on croit accéder au vrai, eh bien non. Il y a encore possibilité là d'ajouter un peu d'art, un peu d'artifice, pour faire dire à l'objet autre chose que ce qu'il est vraiment. On tire la réalité vers le préconçu de l'art. Absolument, oui. Absolument. Alors, dans le dernier moment de notre conversation sur l'art des Lumières, sur la fabrique de la race, Anne Lafont, concentrons notre attention sur le moment essentiel de la Révolution, qui est très ambivalent aussi du point de vue qui peut être le nôtre sur la condamnation du racisme. Vous faites un sort à ce très beau tableau de Giraudet, qui était l'élève de David, portrait de Jean-Baptiste Belay. Je voudrais que vous attardiez un instant en renvoyant une fois de plus, naturellement, nos auditeurs à leur ordinateur ou à notre site. Oui, alors, c'est un des tableaux phares, je dirais, de cette période et du très long XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on a dans ce portrait de Jean-Baptiste Belay, qui est le premier député noir de la Convention nationale, donc de l'Assemblée nationale française. Qui représente Saint-Domingue. Qui représente Saint-Domingue, qui était lui-même un esclave émancipé, libre, qui était arrivé dans les premières années de sa vie de Gorée, dit-on, et qui ensuite conquiert, d'ailleurs, par des faits d'armes, dans une alliance avec la Révolution américaine, son autonomie, son émancipation, sa liberté. Donc il est un de ces esclaves qui est parti de Gorée au Sénégal vers les Antilles. Absolument, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il a été effectivement emmené vraisemblablement dans un bateau négrier et vendu à Saint-Domingue ensuite, où il a été esclave et sur place, encore une fois, par fait d'armes, par sa carrière militaire, a obtenu la liberté, puis une représentation politique, puisqu'il est venu à Paris représenter donc son île de Saint-Domingue à la Convention. Il est d'ailleurs habillé dans ce tableau de Giraudet avec oui, le costume ça, que David avait dessiné pour les membres du Conseil des 500. Absolument, c'est tout à fait ça. Donc on le voit, si vous voulez, dans l'habit républicain, vraiment incarnant aussi l'aboutissement de la Révolution française qui donne la citoyenneté jusqu'aux représentants noirs, anciens esclaves, en fin de compte. Et il arrive à la Convention le 4 février 1794, jour du vote pour la première abolition de l'esclavage. Donc c'est tout un symbole que ce portrait de Belay, à la fois parce qu'on voit ce grand homme représenté dans une pose noble, assez traditionnelle d'ailleurs du portrait des grands hommes du XVIIIe siècle, et en même temps tous les attributs desquels il est paré sont des référents à cette nouvelle République française qui est celle d'une citoyenneté agrandie, encore une fois, à la condition noire, par exemple. Donc c'est sous cet angle, et quelques années seulement avant le portrait de Madeleine, dont nous parlions en début d'émission. Et quelques années aussi avant le rétablissement par Napoléon Bonaparte, en 1802, de l'esclavage à Saint-Domingue. Il dira d'ailleurs à Sainte-Hélène que c'est une des décisions qu'il a prises qu'il regrettera sous l'effet de l'influence du lobby colonial incarné par sa femme. Mais entre-temps, il y a eu ce moment magique à certains égards pour l'histoire parenthèse. De l'esclavage, cette parenthèse qui était celle de la Révolution. Et je voudrais naturellement vous faire entendre un texte de l'abbé Grégoire qui a représenté au sein des Amis des Noirs, entre autres grands mérites, c'est pour ça que nous l'avons mis au Panthéon d'ailleurs, en 1989, qui a représenté le combat contre l'esclavage. C'est un texte adressé à l'Assemblée nationale le 3 décembre 1789, donc assez tôt dans l'histoire de la Révolution française. Plaidons notre cause avec énergie et commençons par résoudre cette grande question. Sont-ils des hommes, les habitants noirs de l'Afrique, ou ne le sont-ils pas? Sont-ce quelque espèce étrange qui, en raison de leur forme, tiennent une place entre l'homme et l'orang-outan? C'est pour l'homme que je plaide. C'est pour des hommes que quelques-uns de vos concitoyens, par fourberie et par violence, enlèvent dans quelques cantons de l'Afrique pour les jeter dans vos colonies en Amérique, pour les faire gémir pendant toute leur vie dans vos champs. C'est pour ces victimes, pour vos frères, que je plaide. Et vous accepteriez une constitution, et vous ne mettriez pas un terme raisonnable à tant d'atrocités? Et vous accepteriez une constitution laquelle, en donnant vos droits, vous garantit votre bonheur, tandis qu'elle ne porterait aucune phrase par laquelle cesseraient un jour toutes ces horreurs? 20 ans d'expérience m'ont appris ce qu'opposent les marchands de chair humaine à les entendre. Il faut avoir vécu dans les colonies pour avoir le droit d'opiner sur la légitimité de l'esclavage, comme si les principes immuables de la liberté et de la morale variaient suivant les degrés de latitude. Depuis 3 siècles, l'Europe qui se dit chrétienne et civilisée torture sans pitié, sans relâche, en Amérique et en Afrique, des peuples qu'elle appelle sauvages et barbares. Elle a porté chez eux la crapule, la désolation et l'oubli de tous les sentiments de la nature pour se procurer de l'indigo, du sucre et du café. C'est le même Grégoire, auteur de ce texte magnifique, Anne Lafont, qui s'est battu contre le vandalisme, c'est-à-dire pour la défense aussi d'un bon nombre d'œuvres d'art sur lesquelles vous penchez maintenant. Alors écoutez, ce qui est tout à fait intéressant chez l'abbé Grégoire, c'est qu'en fait, il va faire un usage très personnel finalement de l'art, et qui est un petit peu une réponse aussi en termes disciplinaires, c'est-à-dire que pour opposer à la tendance qui se dessine autour de Camper et d'autres d'ailleurs, autour de l'anthropologie physique, c'est-à-dire essayer de toucher justement cette altérité autour du squelette notamment, il propose lui de faire un ouvrage qui est en fin de compte un dictionnaire quantitatif de la littérature des nègres, où il va énumérer et décrire toutes les réalisations monumentales, artistiques, qui sont celles des Noirs. Et c'est à cette occasion, finalement, qu'il aura une réponse, je dirais, peut-être plus concrète, finalement, et par l'art lui-même, pour faire la preuve que ce sont des hommes, hein, comme il pose en ouvrant justement cette archive que vous nous avez fait écouter, sont-ils des hommes? Voilà, c'est la grande question. Et lui répondra non pas parce qu'ils ont un angle facial qui correspond au singe ou qui se situe entre le singe et la statue de l'Apollon du Belvédère, mais parce qu'il y a des créations et que finalement cette humanité, elle est, on peut la toucher de près. Enfin, la démarche de l'abbé Grégoire, c'est de pointer et de décrire finalement les réalisations artistiques et littéraires des Noirs comme étant la preuve de leur humanité. Et on a notamment, enfin, un certain nombre d'autobiographies d'anciens esclaves noirs, notamment en anglais, à la fois en 1787 et en 1790. On a celle de Echiano, hein, et puis celle aussi de Cugoano, qui est une réflexion sur la traite et l'esclavage des nègres, qui participe, si vous voulez, à une conception, je dirais, justement enluminée ou des lumières de la production théorique du XVIIIe siècle. En somme, à la fin de la période, Le sujet s'élargit, ce ne sont plus seulement les regards des Blancs sur les Noirs, mais on s'attache aux regards que les Noirs peuvent avoir sur eux-mêmes. Et l'art, de ce point de vue-là, qui vous préoccupe, Anne Lafont, élargit grandement son emprise. Absolument. Et c'est aussi de cette manière que 1800 m'a paru un moment fondamental, parce qu'il y a effectivement des productions théoriques par des Noirs, mais il y a aussi, si on regarde bien, justement, tout au long du 19e siècle, une prise en charge par les modèles noirs, justement, comme on l'a vu dans l'exposition, de leur propre image. C'est-à-dire que tranquillement, ils s'émancipent, en fin de compte, du cadre qui est celui du tableau, pour devenir des performeurs, pour venir des danseurs, pour venir des acteurs, pour participer à toutes sortes de manifestations dans le spectacle vivant, où ils ne sont plus seulement l'objet du regard, mais aussi ceux qui créent le contexte, finalement, de leur performance artistique. Et on pense, le plus célèbre d'entre eux, c'est le clown Chocolat, par exemple. Avant Joséphine Baker même, qui sera elle-même cette figure voilà, qui mènera cela au plus haut. Donc nous nous arrêtons au seuil du 19e siècle, malheureusement, mais si vous aviez d'un mot à le caractériser, c'est dans ce moment primordial de la Révolution que vous verriez l'origine de cet élargissement de la curiosité artistique pour la race et pour... Ben, c'est un moment très particulier où, je dirais, il y a une configuration politique, sociale et artistique qui permet de repenser finalement la place, on peut dire, des Noirs dans la vie et dans l'art. Et à ce moment-là, on dirait que les bouleversements politiques ont donné l'espace à un style nouveau d'émerger, si vous voulez, qui permet finalement la réalisation de deux portraits comme le Bellay et le portrait de Madeleine. Et c'est seulement dans un second temps, tout le travail de Géricault, notamment avec plusieurs modèles noirs, qui portera ça encore un peu plus loin. Mais il y a un moment fondamental autour de 1800 qui est, je crois, quand même le dialogue de l'art et de la politique, et de la science d'ailleurs, autour d'un renouvellement vraiment de l'imaginaire noir dans la peinture, notamment occidentale. Merci beaucoup, Anne Lafont. Je rappelle le titre de votre livre, « L'art et la race, l'Africain contre l'œil des Lumières ». Il est paru aux Presses du Réel dans la collection « Des œuvres en société ». J'ai aussi renvoyé à votre article consacré à Madeleine. On trouvera tout ça sur notre site, bien sûr. Hommage à rendre, je le faisais en passant, mais à nouveau, j'y tiens au grand ouvrage, premier tome de Christophe Pomian, « Le musée, une histoire mondiale ». Et puis aussi, naturellement, je renvoie au magnifique catalogue qui a été publié par le musée d'Orsay, présidé par Laurence Descartes, l'année dernière, pour perpétuer cette exposition à laquelle vous avez, vous-même, Anne Lafont, participé. Et puis j'ajoute que vous avez tout récemment, en juin dernier, peut-être un fruit du confinement, je ne sais pas, publié un numéro de la revue Critique, consacré à l'art noir, en complicité avec Vincent Debanne. Vous pourrez, vous le savez, écouter, réécouter et balado-diffuser cette émission à votre gré. Samedi prochain, changement de décor, nous irons vers l'Amérique latine, puisque nous allons parler de la Bolivie. Vous savez tous les événements qui agitent ce pays. Bolivie, terre indienne, point d'interrogation. Et je recevrai pour en parler l'historien et diplomate Yves Saint-Jour. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Yves Lehors, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Delaveau. Dans quelques instants, je passe le témoin à Christine O'Krent pour Affaires étrangères. Moi, si j'étais blanche, sachez que mon bonheur, qui près de vous épanche, garderait sa couleur. Au soleil, c'est par l'extérieur qu'il en se dort. Moi, c'est la flamme de mon cœur qui m'en colore. Et si ma figure, mon corps s'embrunit, c'est parce que la nature me voulait ainsi. Mais je suis blanche, dites-moi monsieur, faut-il que je sois blanche pour vous faire mieux?